Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme il a été précisé, depuis 2 ans maintenant, le Meeting Hercules de Monaco fait partie de la Ligue nationale du Lagardère Athlétisme Tour, circuit de la Ligue nationale d'athlétisme. Nous sommes en partenariat. Alors, les athlètes français viennent depuis longtemps au Meeting de Monaco. Welcome to all of you. Again, as it was said, since 2 years, meeting of Monaco Meeting Hercules is part of the Lagardère Tour, which is a circuit of 5 meetings in France. And since a long time, the French athletes are invited here in this meeting. Et donc notre partenariat permet de promouvoir sur des campagnes nationales le meeting de Hercules de Monaco en France et aussi permet à de jeunes athlètes français professionnels qui débutent leur carrière, qui n'auraient pas forcément la possibilité de venir ici, de venir rencontrer les meilleurs parce que c'est l'un des plus grands meetings au monde. And our partnership with the meeting is very important now because the French, especially the young French athletes, are attending this meeting, and also they will face the best athlete in the world, which is meeting actually. This is one of the best meeting in the world. Ce sera mon dernier 400 avant Pékin. Donc c'est surtout pour moi le plus c'était d'enchaîner les courses. J'en ai fait deux il y a 3 jours. Et on va faire une ici, ça a été important pour bien me préparer pour Pékin. J'espère faire mieux qu'au Championnat de France. Il y aura de la concurrence, donc on verra bien demain. This is my last race before Beijing. I did 45:13 there. I hope to make better here. There will be a lot of concurrence, but we'll see tomorrow. Yelena, tell me about your shape. I know it's a good one. Je sais que ton état de forme est bon. Parle-moi un petit peu. And because you will jump in that stadium where you train, et parce que tu vas sauter aussi dans ce stade où tu t'entraînes ici, c'est un avantage, est-ce que c'est un avantage? Yeah, I'm in good shape and I'm ready for tomorrow. And of course, I feel a bit, how to say, responsible because it's all like my hometown, so I should to do my personal best here. You know, just for personal best. Just personal best, yeah. And I will be happy with that. So. je me sens responsable parce que c'est ma ville un peu. Je me sens bien ici. Je suis en bonne forme en ce moment. Tout ce que je vais essayer de faire demain, eh bien, c'est de battre mon record personnel. You have an idea of what kind of bars you will attempt tomorrow? Yeah, but we will see tomorrow. But I would like to try like all. And everywhere it's like 470 I would like to start, and then 485, 495, and then 504. But okay, yeah, that's so in the plan. That looks easy on the paper. Ça yeah. Semble facile comme ça. So you will have to answer other questions. Asafa, tell us, you were injured. When you're not scared after that injury of losing the good preparation that you had, est-ce que tu n'as pas eu peur après cette blessure d'avoir perdu la préparation que tu avais faite? Well, yes, before the injury, the preparation was going great, and when I got that injury, I started to worry and ask myself, why is this happening at all? In a year like this, a very important year like this, but everything is coming out great. Oui, non, avant la blessure, j'étais en très bonne forme. Et puis, bien entendu, j'ai été très inquiet après cette blessure et de me dire qu'est-ce qui se passe, surtout d'une année aussi importante. Et, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. It seems that you came back and you're 100% fit. Et on a l'impression que tu es à 100% maintenant. Well, yes, I'm fit and still working on a few things, but I'm there. Oui, donc je suis là et je dois encore travailler 2-3 choses. A few things to make what? To make more better than 988? Well, better than 974. Plus rapide que 974. Ça c'est son record à lui. What do you expect of the race tomorrow? Qu'est-ce que tu attends de la course demain? Well, tomorrow I'm going to try my best to run straight through the finish line. And hopefully that will be I'll set a mark, yeah. Oui, je vais essayer déjà de courir le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée et puis on fera comme ça demain. Thank you. You have more questions, tu vas avoir d'autres questions. Christine, là aussi, pareil, il y a un petit peu une similitude entre Asafa et puis ce qui s'était passé avec Leslie. Il fallait revenir en forme Et c'est en train de se faire. Tu as été inquiète un peu comme, comme l'a pu l'être Sapa, même si ce n'est pas la même blessure. Oui, ce n'est pas la même marge non plus. Hein. It's not the same margin as Sapa, but I was worried also not to come back. Non, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiète. Bon, je ne suis pas inquiète par rapport à mon entraînement, mais c'est juste par rapport à mon état de santé qui a du mal à évoluer. Quoi. Et, bon, je me suis entraînée hier, ça allait un petit peu mieux, mais je sais que c'est pas encore ça. Ma pile se décharge très vite. Et, bon, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. I was just worried about my health. I know I could come back. My battery is very weak after one or two days of training. I've been training yesterday, went well, went better, but my battery is still weak. So I have to put more power on it. Il faut remettre de la puissance dans cette pile, hein, dans cette pile. Qu'est-ce que tu attends toi, de ce meeting demain? Bah de descendre mon chrono, de faire une meilleure course, en tout cas techniquement, et puis j'espère que j'aurai un petit peu plus de jus, de rythme pour pouvoir améliorer mon chrono. Quoi. Make a technical better race and get a better performance than 11-21.